Le loup et l'écureuil. Fable. L'écureuil, sautant d'une branche à l'autre, tomba un jour sur un loup endormi. Le loup le saisit et voulut le dévorer. L'écureuil le supplia de l'épargner. « C'est bien, dit le loup, je t'épargnerai, mais à la condition que tu me diras pourquoi vous êtes, vous les écureuils, toujours si gais. Moi, je m'ennuie toujours, tandis que vous, je vous vois jouer et sautiller sans cesse. » L'écureuil répondit. « J'ai peur de toi, je n'ose parler. Laisse-moi sauter sur la branche et je te le dirai. » Le loup le lâcha. L'écureuil sauta sur l'arbre et de là lui dit. « Tu t'ennuies toujours parce que tu es méchant. La cruauté dessèche le cœur. Nous sommes gais parce que nous sommes bons et que nous ne faisons du mal à personne. »